de Jésus. Nous voulons dire combo na Yesu, ouza di koloba combo nyonso na sena boy. Kuna na lola kati na banje, combo na Yesu dezo dominer. Awa na sena kati ya bato, combo na nzambe dezo dominer. Awa na parking at Grand Hotel, tu eli kaka combo moko, combo ebiki saka, combo e kangolaka. Atana sena mabele ele ki wolo na palata. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire à ses paralytiques, je n'ai ni or ni argent à offrir, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Le salut au nom de Jésus-Christ. Comment s'élever? L'éternel des armées. Oui, ce soir nous acclamons l'éternel des armées.